Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. Question 47. De la cause efficiente de la passion du Christ. Les persécuteurs furent la cause efficiente de la passion, en quel sens le Christ lui-même en a été la cause? Explication de ces mots. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Comment Dieu le Père l'a livré à la mort? Rôle des gentils dans sa passion. Les Juifs le connaissaient-ils? Quels ont été les plus coupables d'entre eux? 1. Le Christ, a-t-il été mis à mort? Ou s'est-il donné la mort? Le Christ a été mis à mort par ses persécuteurs. Il l'avait lui-même annoncé par ses paroles. Après qu'ils l'auront flagellé, ils le mettront à mort. Luc 18, 33. S'il est écrit qu'il a quitté la vie de lui-même, qu'il a été la cause de sa passion, ou qu'il est mort volontairement, c'est que, pouvant empêcher sa mort, soit en privant ses ennemis du pouvoir de lui nuire, soit en leur dérobant son corps. Il a voulu que sa nature corporelle succombât sous leur coup. Note. Afin de montrer que tous les supplices de la passion ne pouvaient rien par eux-mêmes, il conserva jusqu'à la fin sa nature corporelle dans toute sa force, puis, quand il le voulut, elle succomba tout à coup. De là le grand cri qu'il jeta avant d'expirer, comme pour attester qu'il mourait, volontairement, et dont le centurion fut si frappé qu'il dit, « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu. » Marc 15, 39. Fin de la note. 2. Le Christ est-il mort par obéissance? Saint Paul écrivait, « Il s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort. » Philippiens 2, 8. Il convenait beaucoup que le Christ souffrit par obéissance, d'abord, du côté de notre justification, afin que, pécheurs par la désobéissance d'un seul homme, nous fussions justifiés par l'obéissance d'un seul. Romains 5, 19. Cela convenait, ensuite, pour la réconciliation de Dieu avec nous, car, s'il est écrit que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, ce qui signale dans la mort du Christ un sacrifice très agréable à Dieu, il est pareillement que l'obéissance vaut mieux que les victimes. 1. Rois 15, 22. On en peut inférer que le sacrifice de la mort du Christ a dû procéder de l'obéissance. Enfin, cela convenait pour la victoire à remporter sur la mort et sur l'auteur de la mort. Comme le soldat ne peut vaincre s'il n'obéit à un chef, ainsi le Christ n'a obtenu, comme homme, la victoire qu'en obéissant à son Père. L'homme obéissant, dit l'Esprit Saint, racontera des victoires. Proverbe 21-28. Note. Jésus ne s'est pas contenté d'être obéissant à la loi, dont il a observé tous les préceptes moraux, judiciaires et cérémoniels, il a été obéissant aux ordres particuliers de son Père, comme on le voit par ses paroles, « Mon Dieu, j'ai voulu faire votre volonté », Psaume 39, 9, et par ses autres, « Mon Père, si ce calice ne peut s'éloigner de moi sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » Matthieu 26, 42. Fin de la note. 3. Dieu le Père a-t-il livré le Christ aux souffrances de la passion? Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Romains 8, 32. Dieu le Père a livré le Christ aux souffrances de la passion, d'abord, en tant que, dans ses décrets éternels, elles étaient arrêtées comme un moyen de salut pour le genre humain. Ensuite, selon qu'il lui a inspiré par la charité la volonté de souffrir pour nous. Enfin, en l'abandonnant sans réserve à ses bourreaux. Cette seule parole, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Matthieu 27, 46, fait voir que Dieu l'avait livré à toutes les souffrances de la passion. Note. Il n'a été ni livré ni délaissé contre son gré, puisque son Père lui avait inspiré la volonté de souffrir pour nous. Comme Dieu, il s'est livré lui-même par un acte identique à celui de Dieu le Père. Comme homme, il s'est dévoué par l'inspiration de son Père. La même action faite par un homme bon et par un homme méchant revêt un caractère tout différent. Le Père l'a livré, et il s'est livré lui-même par charité, nous devons les en louer. Judas, au contraire, l'a livré par avarice, les Juifs, par jalousie, Pilate, par une crainte mondaine, nous devons les flétrir. Fin de la note. 4. Convenait-il que le Christ souffrît de la main des gentils? Il disait en parlant de lui-même et des Juifs, ils le livreront aux gentils, pour qu'ils en fassent un objet de mépris, pour qu'ils le flagellent et le crucifient. Matthieu 20, 19. Sa passion figurait d'avance l'effet qu'elle devait produire. Or elle a eu pour résultat le salut des Juifs, dont un grand nombre reçurent le baptême immédiatement après, et des Juifs le salut a passé aux gentils. Il convenait, pour cette raison, qu'il commença à souffrir de la part des Juifs, et que, livré par eux aux gentils, il acheva sa passion par les mains de ces derniers. Note. Il y avait encore une autre raison, c'est que les Romains avaient ôté aux Juifs le pouvoir de condamner à la peine de mort. Fin de la note. 5. Les persécuteurs du Christ le connaissaient-ils? Saint Paul écrit, « S'il eussent connu le Seigneur de la gloire, ils ne l'auraient point crucifié. » 1 Corinthiens 2, 8. « Je sais, disait Saint Pierre, que, vous avez agi par ignorance, et vos magistrats aussi. » Actes des Apôtres 3, 17. Il a dit lui-même, du haut de la croix, « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Les grands, que l'on appelait les princes du peuple, savaient, comme les démons, qu'il était le Christ promis dans la loi et annoncé par les prophètes. Mais ils ignoraient sa divinité, et voilà ce qui fait dire à saint Paul, « S'ils eussent connu le Seigneur de la gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. » Leur ignorance, toutefois, ne les excusait pas de péché. Elle était affectée à certains égards, en présence des preuves évidentes qu'ils avaient sous les yeux, mais que, par haine et par jalousie, ils interprétaient mal. De là cette parole du divin Sauveur, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant leur péché est sans excuse. » Jean 15, 22. Les hommes du peuple, qui ignoraient les mystères de l'Écriture, ne connurent pas clairement que le Christ fut le Fils de Dieu. Plusieurs crurent en lui, mais la multitude n'y croyait pas. Il est vrai qu'à la vue de ses miracles et des effets de sa doctrine, ils pensaient parfois qu'il pouvait bien être le Christ, mais, trompés bientôt après par les grands, ils n'admettaient pas généralement qu'il fût, ni le Fils de Dieu, ni le Christ. Voilà pourquoi saint Pierre disait à la multitude, « Je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos magistrats. » L'égarement du peuple venait des grands de la nation. Note. Sur cette parole, « Ils ne savent ce qu'ils font », saint Chrysostome remarque que le Christ n'a pas prié pour ceux qui, l'ayant reconnu comme le Fils de Dieu, le crucifièrent par haine ou par envie, plutôt que de confesser sa divinité. L'ignorance affectée, Loin d'excuser un péché, le rend plus coupable. Elle est la preuve d'un plus grand attachement au mal. Fin de la note. 6. Ceux qui ont crucifié le Christ ont-ils commis le plus grand des péchés? Le péché des princes des Juifs, dont l'ignorance affectée n'avait aucune excuse, fut le plus grave des péchés, et par sa nature même, et par la malice de leur volonté. Celui des autres Juifs était très grave aussi dans son genre, mais il était amoindri par leur ignorance. Le péché des gentils, qui ne connaissaient pas la loi, fut moins grief que celui des Juifs. Note. Pilate, condamnant Jésus par la crainte de César, et les soldats qui le crucifièrent pour obéir à leur chef, furent moins coupables que Judas, conduit par la cupidité, et que les princes des prêtres, mus par l'envie et par la haine. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.